Retour sur problème. Voyons ici d'autres exemples de mots d'origine grecque qui, même s'ils finissent par un A, sont masculins en espagnol. Sachant que le mot climat vient du grec clima, comment diriez-vous le climat en espagnol? El clima. El clima, qui s'écrit C-L-I-M-A, santé, sinon on le prononcerait. En espagnol, il n'y a pas de lettre muette comme en français. On a de la chance, nous les Espagnols, n'est-ce pas? Et le télégramme. Sachant que ce mot vient du grec télé, qui signifie loin, à distance, et gramma, qui veut dire lettre, écriture. C'est effectivement el télégramme, mais ce mot est inusité aujourd'hui puisque l'on communique maintenant par email. Email se dit d'ailleurs email ou correo electrónico, courrier électronique. Découvrons d'autres mots appartenant à cette catégorie que l'on pourrait appeler la catégorie problema. Comment dit-on un programme en espagnol? Un programa. Vous pouvez le redire, s'il vous plaît? Un programa. Un programa. Ce mot est masculin malgré le A, donc un programa. Vous pouvez me dire maintenant un poète? C'est bien sûr un poeta, toujours sur le même modèle. Comment diriez-vous une planète? Eh oui, c'est ça, un planeta, même si l'on dit une planète en français. Et comment traduiriez-vous en espagnol le système? Oui, el sistema, qui s'écrit S-I-S-T-E-M-A, sans Y. Utilisons maintenant ces transformaciones dans des phrases. Vous avez sûrement entendu parler du fait que Pluton a perdu son statut de planète. Étant considérée trop petite, elle a été reléguée à la catégorie de planète naine. Dites-moi alors, en utilisant le verbe componerse, C-O-M-P-O-N-E-R-S-E pour se composer, et ocho, O-C-H-O pour 8, le système solaire se compose maintenant de 8 planètes. Dans votre phrase, employez le C de componerse devant le verbe, comme en français. El sistema solar se compone ahora de 8 planetas. El sistema solar se compone ahora de 8 planetas. On dit bien el sistema et non la sistema. Et avez-vous deviné solar? Il s'agit de la même transformation que l'on a vue avec popular. Comme je l'avais dit, beaucoup de mots se terminant par A-I-R-E finissent par AR, A-R en espagnol. Enfin, componer comme suponer, supposer, ou oponer, opposer, se conjugue comme poner. Comment diriez-vous maintenant, en gardant en tête que le de beaucoup de ne se traduit pas en espagnol et que ce mot s'accorde avec celui qui le suit? Ce poète a beaucoup d'influence. Este poeta tiene mucha influencia. Este poeta tiene mucha influencia. On a bien dit este poeta et non esta poeta, vu que poeta est un mot masculin malgré le A. On a aussi mucha influencia pour beaucoup d'influence. Le de ne se traduit pas et mucho s'accorde avec le mot qui le suit. Voici maintenant un petit piège. Il faut bien vous compliquer la tâche, hein? Sinon vous vous ennuieriez. Sachant que nous sommes en train de voir des mots masculins se terminant par A et que O se dit agua, hein? Comme dans le mot aquatique mais avec un G à la place du Q, comment diriez-vous l'eau est froide? Vous avez dit el agua está frío. Bon, c'était logique de dire cela. On dit bien el agua, mais ce mot reste féminin malgré l'utilisation du mot él. On aura donc, el agua está fría. Et non, el agua está frío. On dit el agua car on insiste sur le premier a à l'oral et il serait difficile de dire la agua. Surtout que c'est un mot que l'on emploie pratiquement tous les jours. On dit donc el agua, mais le mot reste féminin. Ce n'est donc pas le même cas que pour les mots que l'on a vus juste avant, qui eux sont masculins par nature. Là, il s'agit juste d'un problème de prononciation. En français, on a aussi ce genre de transformation. On dit « cet homme est beau, mais un bel homme », car il n'est pas facile de dire « un beau homme ». Nous avons vu principalement dans cette partie des mots qui se terminent par « a », mais qui sont masculins. Voyons l'inverse. Un mot se terminant par « o », mais qui est féminin. C'est le cas de « main », qui se dit « la mano » et s'écrit comme on l'entend, « m-a-n-o ». Comme en français, on utilise aussi « mano » dans l'expression « donner un coup de main ». Mais en espagnol, on dit littéralement « jeter une main »,« echar una mano ». Echar s'écrit E-C-H-A-R. Donc, si un garçon se dit un muchacho, M-U-C-H-A-C-H-O, comment direz-vous? Tous les garçons donnent un coup de main. Todos los muchachos echan una mano. Todos los muchachos echan una mano. Donc, si las muchachas désigne un groupe de jeunes filles, quel mot emploierez-vous pour décrire un groupe qui mélange jeunes filles et jeunes garçons? Los muchachos. Los muchachos. En espagnol aussi, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Los muchachos pourrait se traduire par les jeunes gens. On retrouve aussi ce phénomène dans les parents, qui se dit los padres. On prend le mot masculin, ici « padre » qui signifie « père » et on lui rajoute un « s » pour obtenir le mot plus général, « les parents ». Nous avons vu la même chose avec « hermanos » pour « frère et sœur ».« Hermano » sans « s » signifie « frère » et on lui ajoute un « s » pour dire « frère et sœur ». Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est la vie. Así es la vida. Comme l'on dirait en espagnol.